chan chan, sabaide. Esta ronda y donde sabaide. Y te mido la mer, sabaide. Ah, esta mi de me noche, ue ue ue. Tu réponds plus au pote, ue ue ue. Et puis la folle, et puis la moche, ue ue ue. En bout toute la night, t'attends ton appel. Ah, esta mi de me noche, ue ue ue. Tu réponds plus au pote, ue ue ue. Et puis la folle, et puis la moche, ue ue ue. En bout toute la night, t'attends ton appel. Non, elle t'appelle, c'est une chose. C'est toi qui fais, petit tailleur au bouton. C'est vrai qu'elle est trop fraîche, tu veux l'impressionner en boîte. Tu vides le garage, c'est qu'on t'amène à l'hôtel. Mais elle s'arrache avec un autre. Ouais, ouais, ouais. Elle s'est mise dans ta table pour gratter deux, trois revêts. Elle fait mal, mal, mal quand elle whine, whine, whine. Elle va sucer ton sang et te dire bye, bye, bye. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, ouais, ouais. En boîte toute la night. J'attends son appel. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, ouais, ouais. En boîte toute la night. J'attends son appel. Elle va te ting tang tong. Elle va te ting tang tong. Elle va te ting tang tong. Elle va te ting tang tong. Tu t'es mis dans la merde. Ouais, ouais. Laisse-moi finir mon pète. Je vais te dire la vérité. Attrape pas dans la tête. Je remets les Christian Dior. Au cousin t'as coulé. Tu vois pas, tu t'endors. Elle veut son sac et Céline. Elle t'énerve ou la maline. Rien que c'est des lignes. C'est Narine, c'est Medellin. Tu t'es pris pour mes screens. Tu t'es pris pour Pablo. Elle veut pas de ta bague. Elle veut l'Audi Catrano. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, ouais, ouais. En boîte toute la night. J'attends son appel. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, ouais, ouais. En boîte toute la night. J'attends son appel. Elle va te ting tang tong. Tika tika, elle t'a mis. Elle va te ting tang tong. Tika tika, elle t'a mis. Elle va te ting tang tong. Tika tika, elle t'a mis. Elle va te ting tang tong. Tika tika, elle t'a mis. Elle va te ting tang tong. Elle t'a mis les menottes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes.